peuple du monde, peuple congolais. La démocratie, c'est le combat final des idées. Nous sommes libres de nos choix. Même Dieu nous laisse libres dans nos décisions. La paix, encore la paix, est très chère à une nation et au monde. Doit être une préoccupation pour tous. Alors dansons ensemble et restons unis, car nous avons des valeurs sûres. Zokwa Lemba Kamino Naïté. Outana Botama Namokili. Mona Makambo Epele. Mona Komboyo. Mona Komboyo. Makuo Wato Puya. Oyo Lobo Tambarango. 17 km 40 cm. Matumba Matia Lutete. Wenza Kai Polisi. Weza Komba Final. Yeah, kuveli kami ngonga papa dengese olo mamba mamo tuane dunguli awo le pia kuanga. Mon Dieu, si quand la vie vit son bois, dis à Wabal, les tuyaux les lettres mon bois, les yens pour la condo condo, dis à Wabal, l'autre pour la condo condo, Wabulwa le haut, qui de boulot de maman Sawakale, Wabila Londa Kamouke, Wabila Londa Panaman Jesse, Wale Sinangala Biamouramoué, Gala Bion Yami, Gala Biamourambi de Jabouaï, Iboka. Oh, l'homme, il est, l'homme, il est, l'homme, il est, dada, Gala, notre Kessi. A film Saba continue. Et déjà non bon gabari. Bova misanjuru. You. You.